Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Ici François-Jacques Couillard. Vous entrez à l'intérieur du Cirque Aquatique Magique, un univers musical qui consiste à émettre des sons savoureux et sensationnels, des sons qui s'introduiront dans votre tympan et qui feront l'effet d'une drogue hallucinogène. Ce soir, spécial police. Pourquoi la police? Bien, pourquoi pas? On commémore toujours ceux qu'on aime. Vous savez que récemment, il y a eu un nouveau chef de police qui a été nommé. Alors, pour saluer. Puis on sait qu'il y a beaucoup de police qui écoutent CKRL, alors... et Radio Grenouille. Alors, pour eux, on va leur souhaiter la bienvenue. Et puis, on va aussi commémorer l'émission Enquête, hein, qui avait démontré que il ne fait pas bon être noir dans la ville de Québec. On commence avec une pièce d'Arsenic 33. Oh là là! Savoir ton nom, ils veulent savoir d'où si tu reviens. Où si tu t'en vas à cette heure-là, t'as-tu des preuves de ça? Monte tes papiers pis reste poli, on pourrait t'embarquer. Où si tu travailles, c'est qui tes chums, qu'est-ce que t'as fait de ta soirée? T'as-tu quelque chose à dire, t'as-tu quelque chose à t'approcher? Cherche comme du monde, y'a sûrement quoi que t'as fait de pas correct. C'est quand ta fête pour vérifier qu'est-ce que t'as-tu fumé? On est la loi, nous autres, il faut qu'on soit bien renseignés. tire à simuler. Quand on n'a pas la chance d'avoir chez soi Le Pen ou un passoir. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La justice à deux vitesses, il faut que ça cette fois je suis tombé pour un vélo et quand toujours c'est bien facho. La justice à deux vitesses, il faut que ça cette fois je suis tombé pour un vélo et quand toujours c'est bien facho. La justice à deux vitesses, il faut que ça. Cette fois je suis tombé pour un vélo et quand toujours c'est bien facho. La justice à deux vitesses, il faut que ça. Cette fois je suis tombé pour un vélo et quand toujours c'est bien facho. Enculé. No one to fear. Run, run, Howard, run. Run, ooh, run. Drowned in time, I'm not all asleep. Dry blood screaming, I'm dusty. Then run, run, Howard, run. Black uniform and a silver vest. Cops for real, blame cops for fake. Run, ooh, run. Bonne soirée à toutes les polices qui sont à l'écoute. On vient d'entendre trois pièces qui vous sont consacrées. La dernière pièce, c'était Police Truck des Dead Kennedys, version live. On a entendu La Justice à deux vitesses des Vulgaires Machins, Vulgaires Salopes, pardon. C'est la version française. Et on a entendu Au secours de la police de Arsenic 33. Trois pièces pas très fraîches. Probablement que vous les avez déjà entendues. Ce qu'on appelle des classiques. Redécouvrons les classiques. Police Truck. Alors, des fois, on a de la misère à comprendre un peu ce qu'il dit. Des fois, c'est très intéressant de lire les paroles. Le refrain de la chanson, c'est chanté par, évidemment, le spectaculaire Jello Biafra. Jello Biafra. Donc, Biafra, le nom d'un pays qui souffre de la famine, un pays qui n'existe même plus. Et Jell-O, un produit alimentaire industriel de masse. Vous voyez le concept. Le gars très intéressant. Toujours une boîte de disques qui s'appelle Alternative Tentacles. et il donne des conférences à travers les États-Unis. Et conférences très critiques sur la politique. Et dans le refrain de cette chanson-là, il disait « Tonight's the night that we got the truck. We're going downtown, gonna beat up drunks. » Donc on va fesser sur des saoulons. « Your turn to drive, I'll bring the beer. It's the late, late shift, no one to fear. » Et là, évidemment, c'est il fait parler de la police. « Pull down your dress, here's a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. Don't move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. » Oh là là. C'était la poésie crue de Jello Biafra. Mais, ne sous-interprétez pas cette émission, le Cirque Aquatique Magique. Policier, je vous aime. Et pour le prouver, j'ai trois pièces qui montrent la police sous un air sympathique. Alors, allons écouter ça. Vancouver, au sommet de la FEC et devant les barrières, au sommet de Québec, la puanteur domine la scène, mais c'est pas à cause des gaz lacrymogènes. Fouilleux, barbu, ignorant le savon, ils rentrent sous leur pancarte dans les manifestations. Toujours so, solidarité, jamais ça, salubrité. Avant, je gonflais les rangs de ces individus louches. Un jour inopinément, j'ai pris une douche. Et depuis, moi j'aime la police. Moi j'aime la police. J'aime voir les gyrophares spinner sur le toit de leur char. Moi j'aime la police, la police, la police, la police. Ces porteurs d'enseignes toujours se plaignent, jamais ne se peignent. À la bouche toujours un slogan, jamais une brosse à dents. Font des parades pour exhiber leur barbe et leurs cheveux longs. Et se frotter à l'escouade plutôt qu'à l'eau et au savon. La plupart du temps, ces déchets vivants sont sur le BS. Et c'est pourquoi l'honnête homme applaudit quand on les fesse. Moi j'aime la police. Moi j'aime la police. J'aime voir l'anti-émeute mater la meute et la mettre mat. Moi j'aime la police, la police, la police, la police. Moi j'aime la police. Anti-flic, anti-fric, mais pas anti-sudorifique. Ils ne valent pas qu'on les tire à coups de balles de plastique. Pitchez-leur des savons! Face à ces armes inconnues, ils prendront la fuite sans plus jamais descendre dans la rue. Et un jour, inéluctablement, ils prendront un bain. Dès lors, du bout des lèvres, ils chanteront ce refrain. Moi, j'aime la police. Moi, j'aime la police. J'aime entendre l'écho des crânes qui craquent sous les matraques. Moi, j'aime la police, la police, la police, la police. Moi, j'aime la police. Moi, j'aime la police. Moi, j'aime la police. À Alors, si vous m'appelez pour me dire, pouvez-vous demander à Maître Bertrand de m'appeler? Pouvez-vous me donner l'information que je vous donne? Je ne suis pas un porteur de valise, je ne suis pas un servant de messe. Je vous ai dit, si vous aviez compris, j'ai dit, appelez-moi pas dans ma boîte vocale pour me donner de l'information, pour la transmettre à Maître Bertrand. J'ai autre chose à faire dans la vie que ça. Alors, si vous aviez bien compris, vous aviez bien écouté, vous auriez compris. I will pray to the exchange it someday for a crown. Somebody killed a policeman today, and a part of America died. A piece of our country he swore to protect will be buried with him at his side. The suspect who shot him will stand up in court with counsel demanding his rights, while a young widowed mother must work for her kids and spend many long, lonely nights. The beat that he walked was a battlefield too, just as if he'd gone off to war. Though the flag of our nation won't fly at half-mast, to his name they will add a gold star. So I'll cherish thee, at last I lay down. I will cling to the Golden Cross and exchange it someday for a crown. Yeah, somebody killed a policeman today. Maybe in your town or mine, while we slept in comfort behind our locked doors, a cop put his life on the line. Now his ghost walks the beat on a dark city street, and he stands at each new rookie's side. He answered the call of himself, gave his all, and a part of America died. And exchange it someday for the crown. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on les laisse là, là. Ça va être correct, ça mène à rien. Là, le timing est idéal pour la police de Québec à 9h49. Mais non, je sais pas si une patrouille dans ce coin-là, je sais pas s'il y a moyen de se revirer de bord. On a dit, Martin Paquette vient de remarquer qu'il y a personne dans les tentes. Donc, moi, je veux pas de blessés, je veux pas de marde, je veux pas d'affrontement. Mais OK, les boys, on se pogne, on est 10-12, on se donne 10 minutes, pour on fait un clean-up, pour on met tout ça à la poubelle. Y a-tu moyen? She called her Let's do that one again. Is that justice? Demandait John Wayne. John, pas de H. Dans ce spécial consacré à la police. On aime la police. Ah, on les aime. Ah, surtout quand ils portent une moustache. Et on a entendu aussi un chanteur qui s'appelle Eddie Arnold. A Part of America Died. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est très simple. Il y a une police qui est mort en devoir. Ça, ça arrive assez peu souvent. D'habitude, les gens sont plus victimes de la police que l'inverse, mais bon. Toujours est-il qu'une police meurt et une partie de l'Amérique meurt aussi. Et ce qui est scandaleux, c'est que le gars qui est suspect dans cette affaire est défendu. Ça, là, c'est inacceptable. Selon Eddie Arnold. On a entendu aussi mon oncle Serge avec la chanson La Police. Une chanson que je croyais qui était plus ou moins connue de son répertoire, mais bon, François de l'émission précédente, il connaissait la chanson, donc j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir fait découvrir. En tout cas, une bonne chanson quand même, là, qui est évidemment humoristique. Elle n'est pas prendre au premier degré. Et comme toute l'œuvre de mon oncle Serge, d'ailleurs, vous pouvez vous procurer son nouvel album qui s'appelle « Ça, c'est de la femme dans tous les gamasins ». Et sur la pochette, on le voit, il est déguisé en femme avec deux autres personnes. Mon oncle Serge qui a toujours des costumes, des concepts pour ses groupes de musique vraiment winner. Alors cette fois, que nous réserve-t-il dans son album? C'est à vous de le découvrir en l'achetant. Mon oncle Serge qui a toujours été indépendant, qui a toujours été underground, qui a toujours été vrai. Et ce n'est pas fini, encore un bloc pour la police. L'ombre s'étend, c'est pas du tout rassurant. Oh là mon Dieu, un cri affreux vous fait dresser les cheveux. Un long frisson vous secoue les nerfs. Il y a du crime dans l'air. Il rôde des ombres d'assassins. L'étrangleur n'est sûrement pas loin. Mais nous les agents de la circulation, on entend ça sans émotion. Les champions du petit bâton blanc, c'est nous. Les assassins, c'est pas pour nous. On peut être hyper incendiaire ou voler. Notre consigne, c'est de pas bouger. On fait un effort parce qu'on est courageux. Pour pas voir ça, on ferme les yeux. Si l'on s'écoutait, bien sûr on bandirait. Mais sans nos voitures et piétons, qu'est-ce qu'ils feraient? Tous en mêleraient, se télestaperaient. Vous seriez bien avancé après. Vous seriez bien avancé après. Non, nous les champions du petit bâton blanc, il ne faut rien voir ou faire semblant. Si vous pensez qu'il y a trop de crimes dans le quartier, adressez-vous au brigadier. Hé, plein l'auto! Le vélo, hein? Alors, on grille les signaux? Protestation? Contravention! Prochaine fois, fais attention! Eh bien, il fait un temps frigorifiant. À ne pas mettre dehors un agent. Quand on pense qu'il y en a qui sont dedans et qui boivent de bons grog bouillants. On dans ce temps-là, il nous faut verbaliser la goutte au nez, ratatiner dans nos chaussures noires, nos tout petits bottons. Pauvres mignons, pour les glaçons. Et comme le froid rend les gens de mauvaise humeur, tous les quarts d'heure, un conducteur vous traite de fripouille, de vendu, d'abruti, de vieux débris. Les gens n'oublient, comme on est très doux, on ne répond rien du tout. Il faut se méfier, ça se prend si vite un mauvais coup. Sur le point qu'un pas, il ne prend pas de main. On relève le nom du Pékin, on relève le nom du Pékin. Puis on remet en marche son petit bâton blanc, en se disant plus que 15 ans. Et à la retraite, on pourrait comme piéton traiter les flics de tous les noms. Je suis pas capable d'accepter que des syndiqués font le système. Moi, ça marche pas. Il y a peut-être des gens qui ont accepté ça dans le passé, mais moi, ça marche pas, ça me rentre pas dans la tête. Faudrait le système à quel niveau, là, savoir... Ben, regardez, monsieur, quand d'école bleue, on doit prendre 18 jours de vacances par année, là. Ouais, mais on doit... maladie, là. La ville a signé la convention, quand même, là. Ouais, ben, c'est pas moi qui l'ai signé, justement, là. Ouais, mais c'est la ville, là. Ben, non, ben, c'est ça. Ben, là, il faut revenir là-dessus, parce que ça, 18 jours de maladie payés 100%, moi, j'appelle ça fourrer le système. Okay. I know a fat old policeman, he's always on our street. A fat old jolly red-faced man, he really is a treat. He's too fine for a policeman, he's never known to frown. And everybody says he is the happiest man in town. He laughs upon his duty, he laughs upon his beat. He laughs at everybody when he's walking in the street. He never can stop laughing, he says he never tried. But once he did arrest a man and laughed until he died. Oh, his jolly face had wrinkled, and then he shut his eyes. He opened his great mouth, it was a wondrous size. He said, I must arrest you, I didn't know what for. And then he started laughing until he cracked his jaw. So if you chance to meet him when walking round the town, just shake him by his fat old hand and give him half a crown. His eyes will beam and sparkle, he'll gurgle with delight, and then you'll stop him laughing with all his blessed might. Ooh, dans Morissette, je sais pas qu'est-ce qui arrive, là, police municipale de Québec, là, me fait répondre, moi, l'enquête se poursuit, j'ai besoin de ça comme une poule a besoin des dents. Fait que c'est pour ça que des fois, on n'appelle pas, c'est toujours pour ça que c'est toujours la même réponse, l'enquête se poursuit. Monsieur l'agent, est-ce que je vais bientôt sortir de Scarlet? Il y a longtemps, longtemps, longtemps, monsieur l'agent, que je suis là avec ma tire à Scarrefour. Chez nous, ma femme qui m'attend avec sa mère m'a recommandé d'être là à l'heure. Puisqu'il y a sa mère et moi qui rapporte le beurre pour mettre dans les épinards, elles vont me reprocher mon retard. Ah mère, pourquoi quand le feu est vert, c'est comme quand il est rouge,

Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, big iron. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Les policiers et les policières sont nos amis au Cirque Aquatique Magique. Du moins, ce soir. Et on vient d'entendre un gros bloc consacré encore une fois à nos amis agents de police. Les forces constabulaires, les forces du désordre. On a entendu Big Iron de Marty Robbins, un choix de Robbie Barrett, qui est à l'écoute, qui veut me marier. Une belle histoire de cowboy. Cette histoire-là, la chanson est une histoire d'un ranger qui se promène avec ses big iron on his hip, donc iron du métal, donc son artillerie, ses pistolets. Et puis il se promène, puis il est à la recherche d'un méchant qui s'appelle Texas Red. Et puis là, ça finit l'histoire qu'il tue le méchant hors la loi. Et on a entendu aussi Monsieur l'agent de Bobby Lapointe, une pièce que j'ai essayé de comprendre c'était quoi le concept de la chanson, j'ai pas réussi à le trouver. Bobby Lapointe, que faut pas s'arrêter à l'air un peu enfantin de ses chansons. Hein. C'est des chansons, d'habitude, extrêmement complexes, intellectuelles. C'est un gars qui a inventé un système de mathématiques, un nouveau langage qui s'appelait le langage bibinaire. Et là, je dis, c'est pas une blague, là, c'était vraiment un fou des maths. Et puis, c'est un maître en contrepétrie, en jeu de mots, tout ça. D'habitude, quand il faisait une chanson, c'était toujours bourré de ça. Alors, bon. Monsieur l'agent, j'ai pour réussir à comprendre le concept. Si vous le trouvez, envoyez-moi un courriel. François Gécouillard. Allez sur jeunefou.blogspot.com. Sinon, on a entendu aussi Tiny Tim avec Larking Laughing Policeman. Et on a entendu les frères Jacques avec la gavotte des bâtons blancs. Les petits policiers de la circulation qui n'ont pas peur de rien. Et oui, et là, on va arrêter un peu de les pièces sur la police. On va se diriger maintenant vers un bloc plus... léger. On voit une pièce, un bloc qui va être consacré à la pièce Bésame Mucho, repris à peu près 38 000 fois différentes. Et là, on va écouter trois reprises complètement fantastiques, merveilleuses, jouissantes, orgasmiques. Et on va commencer avec Cougats. Ça griche un peu. C'est la magie du vinyle. Mais on s'en sac. Thank you.

beau jour on revient, mais j'estime ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, on se voit pour la dernière. Sans toi je ne suis rien. Dessine mon chant. Viens mon amour et redis que ton cœur m'appartient. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Ah là là, c'est toujours une épreuve d'une intense violence que d'écouter la voix de Céline Thériault. Et oui, la femme de Jacques Duval, du Centre de danse Jacques Duval. Vous avez reconnu peut-être la musique de danse avec la cloche à vache déchaînée. Pas du tout irritante. Et puis oui, c'est un bloc consacré à Bésame Mucho, un grand, grand classique. Bésame Mucho qui signifie quoi? Embrasse-moi beaucoup! Eh oui, eh oui. Que dire sur Céline Thériault et Jacques Duval? Qu'ils sont bons. Et puis on a entendu aussi Alice Robbie chanter Bésame Mucho et Cougat, Xavier Cougat de son vrai nom, qui faisait évidemment Bésame Mucho en instrumental avec un. J'avais jamais remarqué à quel point ça sonnait le diable. Alors, vous avez compris que c'est un disque que je vais numériser. Que dire sur ces artistes absolument extraordinaires? Peut-être quelques mots sur Xavier Cugat, qui est un Espagnol, on pourrait dire plus précisément un Catalan, surnommé le roi de la rumba. Il faisait de la musique cubaine, d'inspiration cubaine. Et la majorité de sa carrière, il l'a faite aux États-Unis. C'était aussi un grand peintre dessinateur, il faisait des caricatures. Il en a notamment fait celle de Charlie Chaplin. On parle ici des années 20, des années 30, des années 40. Et puis, que dire de plus? Il a pas eu beaucoup de succès là, avant un bon bout de temps. Il a fait plusieurs échecs, des grands, grands échecs, jusqu'à temps qu'il finisse par avoir la célébrité après des... À un moment donné, il avait tellement fait d'échecs en musique qu'il s'était retiré. Il s'est dit, tiens, je vais aller vendre des antiquités. Alors, il a ouvert un magasin d'antiquités. Et puis, c'est vraiment seulement plus tard qu'il a connu la consécration. Mais Cougat, extrêmement intéressant comme si vous trouvez des vinyles de lui là. Et peut-être deux mots sur Alice Robbie. Alice Robbie, notre grande star, une fille de Saint-Sauveur, hein, le quartier Saint-Sauveur. Si vous vous promenez sur le boulevard Charest, là, dans le coin de Saint-Sauveur, là, en tout cas, je me souviens plus au coin de quelle rue. Pas trop loin de la tabagie, l'ouvrier. Vous devez connaître ça. Il y a une maison, une jolie petite maison avec un toit mansardé. Là. Il y a une épigraphe dessus, c'est marqué « Ici vécu Alice Robbie ». Une maison extrêmement modeste. Pour une grande de la chanson. Pour finir ce cirque aquatique magique en votre compagnie François Gécouillard, j'avais envie de vous offrir un bloc consacré au champ politique. Il commence à être tard, alors tiens, je vais vous faire seulement une seule pièce. Ça va être le Haut Québec de Raoul Duguay, chanté par moi. Alors attention, on va essayer de faire ça, ça va être un gros spécial aujourd'hui. Le Haut Québec, l'hymne du Québec. Je suis stressé. C'est parti. Québec, Québec, c'est nous, gens d'ici, gens de cœur, pays unique du nord de l'Amérique. Grand peuple uni sous le fleur de l'Isée, nation qui fleurit et aspire au bonheur. Sous l'arc-en-ciel de l'amour, nous chantons liberté. Au fil des jours, nous gardons en mémoire notre histoire. Nous allons à la rencontre de nos ressemblances. Accueillons nos différences, respectons nos croyances. Notre fierté, notre victoire, c'est de parler français et de vivre ensemble en paix. Et voilà, merci beaucoup. C'était le Sac Aquatique Magique pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres. Jeunefou.blogspot.com. À la semaine prochaine.